moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. À la veille des Journées européennes de l'archéologie, deux actualités font cette semaine la une. La première porte sur la fouille d'une grande abbaye bénédictine à Tours. Nous y partirons dans quelques instants. La seconde s'avère plus délicate et plus tragique. Dans l'attente de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, 39 menhirs de Carnac sont désormais rasés au profit d'un magasin de bricolage. Si les services de l'État minimisent l'intérêt des vestiges détruits, édiles, aménageurs, pouvoirs publics devraient avoir en mémoire Victor Hugo et sa guerre aux démolisseurs. Et de citer « Arrêtez le marteau qui mutile la face du pays ». Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Victor Hugo, 1829. Par chance, les archéologues mettent actuellement au jour, et dans son intégralité, l'abbaye de Beaumont à Tours, la plus importante communauté religieuse médiévale de Touraine. C'est donc avec un très grand plaisir que j'y ai retrouvé sur le terrain Philippe Blanchard, archéologue et anthropologue de l'INRAP. Philippe Blanchard, cela fait 10 ans que vous attendiez de fouiller la caserne Beaumont à Tours. Exactement, ça fait 10 années depuis 2013 que j'entends parler des premières investigations archéologiques, d'un diagnostic archéologique qui allait être fait sur cette ancienne caserne qui reprend exactement l'emplacement d'une abbaye médiévale complète. Et ça, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé qu'on puisse fouiller en une seule fois la totalité d'une abbaye. C'est lié bien sûr à l'histoire même donc, de l'abbaye et à son histoire récente. Rien n'y a été construit. Rien n'y a été construit parce qu'en fait, à la Révolution, l'abbaye a été entièrement rasée pour servir de carrière. On a récupéré les matériaux, on les a revendus et peu de temps après, quelques années après, les murs de clôture ayant été conservés, eh bien, on a d'abord créé un espace maraîcher et puis, surtout en 1913, une caserne militaire a été implantée sur la totalité de cet espace. Et donc en 2013, lorsque l'armée quitte les lieux, nous, en 2019, les bâtiments sont entièrement rasés et on récupère la totalité de la surface de l'abbaye, c'est-à-dire 6,5 hectares en plein cœur de ville actuelle. Et ça, c'est exceptionnel. Alors bien évidemment, c'est assez troublant parce qu'aujourd'hui, on est dans le centre-ville de Tours, mais à la période médiévale, il faut imaginer qu'on est dans un paysage, plutôt un environnement rural. Dans ces cas-là, pourquoi le site s'appelle Beaumont ? Beaumont, c'est en général une cime. Le site s'appelle Beaumont parce que, alors, on a la première mention du site en 845 et on sait qu'il y a le village de Belmons, Belmons qui va donner Beaumont. Et pourquoi ce site de Beaumont, ce nom de Beaumont ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une petite butte naturelle d'un mètre, 1,50 m, eh bien, qui a favorisé l'implantation humaine. Parce que lorsqu'il y avait les crues de la Loire et du Cher, les environs étaient submergés d'eau, mais pas ce lieu-là qui était un petit peu plus haut. Et donc forcément, les premiers hommes se sont installés sur cette partie où ils avaient les pieds au sec. Et c'est une abbaye. Mais avant l'abbaye, vous avez déjà une église. Oui, alors il existe, d'après les textes, ça on le sait uniquement par les textes, mais dès le 9e siècle, on sait qu'en 845, il y a un village de Beaumont, et on sait qu'il y a la mention d'une chapelle, Notre-Dame des Miracles, qui est présente au moins au 10e siècle, et qui, on le supposait, était entourée de plusieurs centaines de sépultures. Qu'est-ce que l'on connaît comme abbaye réellement fouillée aujourd'hui ? Non pas dans leur extension, mais l'archéologie intervient régulièrement quand même. Oui, alors dans la région, enfin on n'est pas dans la région administrative, mais pas très loin, à 60 km d'ici, on a la prestigieuse abbaye de Fontevraud. Fontevraud est un bon exemple, puisque c'est une abbaye de femmes. Alors, pas complètement, c'est une abbaye double. Ce sont des femmes et des hommes, mais ce sont les femmes qui dirigent, ce qui est assez exceptionnel pour le Moyen-Âge et la période moderne. Ici, par contre, à l'abbaye de Beaumont, on est dans une abbaye bénédictine de femmes. C'est la plus grande abbaye de Touraine, qui a, on le sait au moins au XVIIIe siècle, à la Révolution, on sait qu'elle accueille 46 religieuses, il y en a 35 de cœur, 35 religieuses de cœur et 11 religieuses converses. Alors les religieuses de cœur sont celles qui sont les plus nobles, hein, de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, et c'est celles qui vont prier, qui vont gérer le domaine, alors que les religieuses converses sont des laïcs qui se sont donnés à l'abbaye et qui vont en fait travailler. C'est elles qui vont faire le service, le ménage, la cuisine et cultiver les légumes dans les champs. Donc ces deux populations, elles sont religieuses toutes les deux, mais c'est quand même deux classes bien différentes au sein de l'abbaye du monastère. Philippe Blanchard, quand est-ce que cette abbaye est-elle créée ? Quelles en sont d'ailleurs les raisons, les causes de sa création ? Alors l'abbaye, elle est créée exactement au tout début du XIe siècle, entre 1002 et 1015. Et en fait, ça fait suite surtout à un gros incendie qui a eu lieu en 994 dans le centre de Tours, sur la basilique Saint-Martin. La basilique, qui était un énorme lieu de pèlerinage, prend feu en 994. Ça enflamme tous les petits établissements monastiques qui sont à la périphérie, et notamment un qui s'appelle Notre-Dame de l'Écrignole, et qui était un petit monastère de femmes. Et le trésorier de l'abbaye de Saint-Martin, qui s'appelait Hervé de Buzançais, il a fallu qu'ils reconstruisent à la fois la basilique et il fallait qu'ils relogent aussi un peu ces religieuses. Et c'est lui qui a décidé de créer cette abbaye de Beaumont. Alors, il la crée pas dans la ville comme la basilique. Il décide de la créer en dehors pour gérer aussi un peu toutes les terres périphériques. Et bien évidemment, comme pour toutes les créations d'établissements monastiques, on dote cette création de terres que les religieuses vont pouvoir faire fructifier et exploiter. Il y a un petit village avec déjà une église ? Oui, alors très probablement l'abbaye s'installe sur l'ancien cimetière à proximité immédiate de la petite chapelle Notre-Dame des Miracles. Alors on n'a pas encore retrouvé de traces réellement d'habitat, de maison. Il semblerait que l'abbaye s'installe plutôt sur le cimetière et on pense que le village de Beaumont était plus probablement vers un peu plus à l'ouest de l'abbaye. Vous n'avez pas retrouvé l'église, en revanche vous avez retrouvé quand même les sépultures, ces sépultures de villageois. Alors, dans les églises, on a l'église abbatiale, ça on l'a retrouvé, 60 mètres de long. On a un petit bâtiment qui est accolé au sud du chœur, qu'on pense être peut-être la première chapelle Notre-Dame des Miracles, qui pourrait dater du Xe siècle et qui est antérieure à l'abbaye. Alors là, il y a une église paroissiale cette fois-ci qui est au nord et qui est actuellement occupée par un bâtiment privé. C'est une maison d'habitation qui était une ancienne chapelle de l'abbaye Saint-Jean de l'Évangéliste qui a été cédée aux villageois du coin pour devenir leur église paroissiale parce que les religieuses à l'époque en avaient marre de voir les villageois, c'est les textes qui nous le disent, qui rentraient dans l'enceinte de l'abbaye. Donc elles ont concédé de se débarrasser d'une chapelle pour que ça devienne l'église paroissiale du village. Et puis entre les deux églises, c'est-à-dire la paroissiale et la abbatiale, il y a eu le petit cimetière paroissial pour les habitants du coin. Alors ce cimetière, il est légèrement sur la droite, il est un petit peu par là-bas. C'est assez étonnant, on voit, vous avez décapé, on voit les crânes apparaître, en section, on voit les ossements. Visiblement, ça a été pas mal chamboulé, il y a eu énormément de remaniements. On creuse, on recreuse, on recreuse, on réenterre. Alors il y a différentes parties de l'église qui sont assez recherchées, et notamment celle qui est juste devant le portail, enfin à l'intérieur de la nef, les deux, trois premières rangées sont extrêmement denses en sépultures. Probablement des religieuses, là il faut attendre l'étude du post-fouille, l'étude anthropologique pour pouvoir le préciser, mais il y a des emplacements qui sont plus recherchés que d'autres, et notamment dans le chœur, on a aussi pas mal de sépultures qui se sont recoupées les unes les autres, et là par contre on peut supposer qu'on a plutôt une population d'hommes, puisque le chœur était plutôt réservé en général aux prêtres, on peut aussi supposer la présence de quelques membres bienfaiteurs. Les moniales sont gérées par la règle de Saint-Benoît, cela consiste en quoi ? C'est une règle bénédictine, il y a différentes règles, mais celle-ci, c'est parmi les plus anciennes, hein, de Saint-Benoît a établi une règle, et va être suivie par de nombreux monastères. Les abbayes bénédictines, en tout cas à la fin de la période moderne, on sait que les religieuses ont un certain confort. Ce qui n'était sûrement pas le cas dans les abbayes cisterciennes. Là, il y a des bassins d'agrément, il y a des jardins, il y a des petites fontaines, il y a une orangerie. Alors, ce qu'on peut supposer, c'est que c'était aussi là où on plaçait les filles de l'aristocratie locale ou de la haute bourgeoisie. Et peut-être que les familles qui les plaçaient ici les plaçaient là, justement parce qu'il n'y a pas une règle trop difficile et que ça respectait un peu les origines sociales des religieuses. Donc, on a une sorte de recrutement assez élitiste d'un côté, et puis où l'on forme les jeunes filles quand même. Visiblement, elles reçoivent une éducation de lettrés. Alors, les religieuses de cœur, elles sont généralement placées à l'abbaye entre 5 et 15 ans. Elles sont placées par les familles. Les familles les dotent, donc on associe des terres ou de l'argent. En échange, les religieuses vont leur assurer une éducation. Elles vont apprendre à lire et à écrire, ce qui est énorme. Est très important par rapport au reste de la population à la période médiévale. Et on va aussi leur enseigner les arts et toute une culture et tout un enseignement que le reste de la population n'a pas et qui est d'un très haut niveau. Actuellement, ce serait l'équivalent d'un niveau universitaire. Les sœurs converses, elles, ce sont des laïcs qui se donnent à l'abbaye plus tard dans leur vie. Mais elles, par contre, quand elles rentrent, on ne leur apprend pas à lire ni à écrire. Elles sont là pour travailler. Et elles vivent, ou du moins elles dorment séparées dans des espaces complètement différents. Généralement, oui, les religieuses de cœur et les religieuses convers sont quand même strictement séparées. Déjà, en premier lieu, elles n'ont pas le même vêtement. Il y a des différences dans l'habillement, dans la tenue. Il y a vraiment une différenciation physique et il y a une différenciation dans les tâches. C'est vraiment pas les mêmes populations et c'est aussi lié en partie aux origines sociales des individus. Philippe Blanchard, je sais que vous êtes très intéressé et très heureux de fouiller donc un monastère avec abbatiale, église, etc., etc. Nous en sommes actuellement en plein cœur. Ce que l'on voit, c'est très compliqué. Ce sont des murs dans tous les sens. Oui, alors la difficulté, là, après le décapage, c'est qu'on met au jour toutes les maçonneries qui ont subsisté. Et la difficulté, c'est qu'on a 8 siècles de maçonnerie, voire plus, s'il y en avait eu un petit peu avant l'abbaye. Et tout le travail de l'archéologue, maintenant, c'est justement de dépêtrer cet écheveau de maçonnerie qui se superposent, qui sont jointives ou qui se recoupent les unes les autres. Donc ça, c'est tout le travail de certains de mes collègues qui sont plus spécialisés dans le bâti. C'est d'essayer de déterminer quel mur est antérieur à tel autre, lequel est postérieur, lesquels fonctionnent ensemble. Tout le travail des archéologues, tout l'art va consister à démêler toutes ces maçonneries et de restituer l'histoire, quelles sont les plus anciennes et quelles sont les plus récentes et quels espaces elles définissent. Le cloître, les salles capitulaires, les réfectoires, les celliers, l'église. Et ça, il y a différents états qui vont se superposer du XIe au XVIIIe siècle. Actuellement, nous sommes où exactement dans l'abbaye ? Donc là, on est au centre du cloître et même du premier cloître. Alors, je parle du premier cloître parce qu'en fait, ce cloître a été régulièrement agrandi au fur et à mesure du développement et de l'évolution de l'abbaye. Il y a eu des galeries qui ont été reconstruites un peu plus au sud et un peu plus à l'ouest. L'église était au nord, la salle capitulaire à l'est. Ces deux ailes-là n'ont pas vraiment bougé, mais on a reconstruit, on s'est développé vers le sud et vers l'ouest. Et donc là, on est dans la cour, dans le jardin, la partie centrale. On a autour de nous des creusements qui correspondent à des inhumations, probablement de religieuses. Et on a aussi les vestiges d'un puits. Pas très loin, on a les vestiges du premier lavabo du cloître qui était juste à côté de l'entrée du réfectoire. Et on peut penser à un déambulatoire tout autour de ce cloître ? Alors oui, la galerie du cloître, ça on ne l'appelle pas déambulatoire, le déambulatoire est plutôt réservé au cœur de l'église, mais c'est exactement la même fonction. La galerie du cloître, elle sert à desservir les différentes pièces tout autour du cloître. Dans l'aile est, on a généralement la salle capitulaire. Si on va plus au sud, on a le réfectoire, on a les cuisines. Et à l'aile ouest, on a généralement les réserves et les celliers, voire le réfectoire des convers ou les dortoirs qui sont à l'étage. Et donc la galerie périphérique, elle permet donc de déambuler en priant. Mais la première fonction, c'est de distribuer l'accès des différentes pièces tout autour du cloître. Alors ce qui est étonnant, c'est que l'on a déjà des tombes dans ce cloître et visiblement tout ça paraît quand même très organisé. Oui, alors les tombes qu'on retrouve dans le cloître sont, ne se recoupent pas. Ça peut parfois épater les archéologues. On est plutôt habitué à des espaces où les sépultures vont se recouper les unes les autres. Alors là, deux hypothèses. Soit c'est des sépultures qui sont très tardives et elles n'ont pas eu le temps de se recouper les unes les autres, ou plus probablement ça ne fait pas partie des espaces les plus recherchés et elles ne se recoupent pas, bah, peut-être aussi parce qu'elles étaient matérialisées au sol. Ce qui est le plus recherché, c'est quoi? C'est bien sûr d'être dans le cœur même de l'église abbatiale. Alors il y a différents espaces qui sont privilégiés et très recherchés. Les religieuses en général sont inhumées plutôt dans la nef, ce qu'on appelle le cœur des religieuses. Il y a une ou deux travées qui leur sont réservées et le cœur est plutôt réservé aux hommes, mais c'est des espaces très recherchés. Par contre, on a aussi la salle capitulaire qui est un espace assez prestigieux. La salle capitulaire, c'est la salle du conseil. C'est là où l'abbesse, elle débat de toutes les, toutes les discussions avec les religieuses. Et cette salle-là, eh bien, on le sait par d'autres exemples de fouilles dans les abbayes. En général, c'est des tombes assez prestigieuses, souvent des personnages importants, des abbesses ou des religieuses qui avaient des charges importantes dans l'abbaye. Vous me parlez d'hommes, mais normalement, il n'y a pas d'hommes. Normalement, il ne devrait y avoir qu'une ou quelques abbesses et des moniales. Alors effectivement, on est dans une abbaye de religieuses, mais alors la clôture des religieuses, c'est-à-dire l'église et le cloître, est strictement réservée aux religieuses. Normalement, les hommes n'y pénètrent pas. Le seul espace dans cette clôture qui peut être, où les hommes y ont accès, c'est le prêtre. Le prêtre, il officie dans le cœur de l'église. Il est là pour dire la messe et il ne pénètre pas dans le reste de la clôture. En revanche, les prêtres qui devaient se relayer tout au long, parce qu'il y avait de nombreuses messes dans la journée, sur plusieurs jours, donc il y en avait sûrement plusieurs, eux, ils ont leur logement, mais dans la cour d'accueil, un peu plus loin. La cour d'accueil, c'est un espace ici qui est un petit peu plus au nord et dans lequel on va trouver justement le logement des officiers. Donc c'est là où on peut imaginer, on sait que par les textes qu'il y a un hangar aux carrosses, on sait qu'il y a une partie du logis abbatiale de la période moderne, on a des granges et puis on a les parloirs. Donc on voit bien que cette fonction, la cour d'accueil, elle accueille les laïcs et ils ne vont pas plus loin. Et si la famille veut voir une de leurs religieuses, eh ben c'est comme dans les prisons, deux pièces séparées par une grille. Et il y avait la religieuse qui venait d'un côté et il y avait probablement le laïc qui pouvait échanger avec la moniale. Alors cette grille qui séparait le prêtre des moniales, elle a été retrouvée, mais elle n'a pas été retrouvée sur les lieux mêmes de l'abbaye. La grille de l'abbaye de Beaumont est conservée actuellement à la préfecture de Tours. C'est l'actuelle grille de la cour de la préfecture. Si vous allez à Tours, place de la préfecture, vous avez la préfecture qui est sur le côté est et il y a une très grande grille. Et bien cette grille, c'était celle qui séparait le cœur de la nef dans l'abbaye de Beaumont. Et cette récupération des grilles, c'est quelque chose de très commun. À la préfecture d'Angers, c'est la grille de l'abbaye de Fontevraud. Donc c'est quelque chose d'assez courant. En fait, l'État républicain à l'époque, je sais pas s'il s'est vengé, mais il a marqué son pouvoir en récupérant des biens du clergé. Et symboliquement, la grille des églises a été replacée dans le premier symbole de la République, qui était les préfectures des villes. Que sait-on exactement sur l'élite donc religieuse au sein de ce monastère de Beaumont à Tours, les abbesses? Alors les abbesses généralement sont d'extraction assez importante, c'est généralement des femmes de l'aristocratie. On a un très bon exemple, c'est la petite fille ou l'arrière-petite fille, j'ai un petit doute, qui était Henriette Louise de Bourbon-Condé et qu'on appelait Mademoiselle de Vermandois. C'est la petite fille ou l'arrière-petite fille de Louis XIV, née des enfants qu'il a eus avec Madame de Montespan. Et elle est rentrée dans les années 20, je crois, 1720, à l'abbaye de Beaumont. Elle reste moins de 10 ans, je crois que c'est 5 ans, elle reste religieuse et elle accède à la plus haute fonction. Elle devient abbesse vers 1730, dans les années 30. Elle reste abbesse jusqu'en les années 1770. Elle va avoir un abbatiat qui dure pas loin de 30 ans. Vous avez trouvé aussi un très beau cachet, très cachet bien sûr d'une abbesse, et vous l'avez trouvé dans une latrine, donc jeté dans les toilettes. Alors on a trouvé ce qu'on appelle une matrice de seau. On l'a trouvé dans une petite pièce carrée, accolée à un bâtiment qu'on interprète comme le logis abbatial. Le fond semble être une latrine. Et le reste de la latrine a été comblé au XVe siècle avec de la céramique. Et parmi cette latrine, on a trouvé cette matrice de sceaux, qui est un élément important. C'est la signature de l'abbesse. C'est un alliage cuivreux. Ça représente un sceau en amande. Ça représente une vierge à l'enfant avec une inscription tout autour. Il y a marqué « Prior de Monest ». Ça veut dire « prieur du monastère ». Alors prieur, on ne sait pas si c'est la fonction de prieur ou est-ce que prieur au sens premier, c'est-à-dire abbesse du monastère. Et derrière, on a un S pour signifier que c'est un sceau, sigillum. Et puis, on a le nom. Alors, le prénom, c'est I-O-H-E, Yoe, c'est-à-dire Jean ou Jeanne. Et on a le nom de famille de. Et alors là, on a plus de mal à le déchiffrer. Il faut qu'on le montre à des spécialistes. A-Y-E, peut-être N-O, A-Y-E-N-O. Voilà, un nom de famille qu'on a du mal à déchiffrer. Et ça, c'était donc la marque, la signature. Et s'il a été retrouvé dans une latrine, probablement qu'on a voulu s'en débarrasser. À la mort de l'abbesse, en général, on brise les sceaux pour plus qu'il y ait de faux qui soient réalisés. Ça, c'est vraiment très important. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. On va aller peut-être voir le cœur où il y a d'autres tombes. On va essayer de circuler et dans le vent et sans souci. Il y a des trous partout parce que les archéologues ont la fâcheuse tendance à creuser. Donc ça ne facilite pas les visites. Et il y a un très beau dallage. Un dallage magnifique, oui, dans cette pièce. Eh ben, on a l'intégralité du dallage, c'est-à-dire le dallage du XVIIIe siècle, le dernier état de l'abbaye. Le dallage est dans cette pièce-là, donc l'aile est du cloître. Il a été entièrement conservé. Et en dessous, en creusant, eh ben, on retrouve d'autres sols, d'autres dallages. Donc avec un peu de chance, je pense qu'on va pouvoir avoir la totalité, depuis la période médiévale, depuis la création de l'abbaye, on va avoir la totalité des sols et on va voir l'évolution justement de ce bâtiment. Ce qu'on voit juste derrière aussi, ce sont déjà des sarcophages ? On a quelques sarcophages de présents sur le site. Alors il y en a deux qui pourraient être liés à la petite chapelle Notre-Dame des Miracles. Donc potentiellement, ils auraient pu être déposés dès le 8e siècle ou 9e siècle, à un moment où l'inhumation en sarcophage est encore pratiquée en Touraine. En revanche, il y en a un qui est présent dans la salle capitulaire. Logiquement, celui-là, on soupçonne qu'il a été rapporté. Il est plus probablement déposé vers le 12e ou 13e siècle. Donc ça veut dire qu'ils ont été récupérés quelque part ailleurs. Alors ce sarcophage, il a une spécificité, c'est qu'il y a 4 à 5 gravures. Donc on a des gravures de personnages un peu enfantins. Il y en a un qui tient une épée sur le côté. Et avec peut-être un blason au-dessus de la tête qui pourrait désigner peut-être un chevalier. Donc là, ça va rester à analyser, à étudier pour voir si c'était fréquent. Mais peut-être que ça désigne le sarcophage d'un personnage de noble extraction, peut-être un chevalier. On va continuer avec dans le vent, bien sûr. Là, on arrive dans le cœur de l'église. On est à la croisée des transepts, précisément. On est sur une grosse maçonnerie, on en a quatre, et ce sont les quatre piliers qui maintenaient le clocher. C'était les piliers qui soutenaient le clocher qui s'élevait jusqu'à 20 ou 25 mètres au-dessus de nous. Et dans la croisée et dans le cœur de l'église, eh bien, on a toute une série de tombes qui sont un peu différentes par rapport à ce qu'on a fouillé dans la nef. Notamment, elles contiennent beaucoup plus de vases à encens qui étaient les pots déposés et qui étaient utilisés lors des processions funéraires. Ces brûle-parfums sont assez bien datés, d'ailleurs par la céramique, mais ils émergent à peu près quand, durant le Moyen-Âge, à une période quand même somme toute assez tardive. Ce que l'on sait, c'est que la pratique des vases à encens, en Touraine en tout cas, est relativement bien datée. Globalement, c'est entre le 11e et le 16e siècle, mais c'est très souvent utilisé, souvent au 13e et 14e siècle. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que immédiatement, ce qu'on voit, c'est bien sûr les pots, et Dieu sait s'il y en a. La tombe est absolument remplie de pots, mais ce qui frappe aussi, c'est cette tache verte sur le front. Oui, alors plusieurs des squelettes ont le front ou certaines parties des os qui sont colorées en vert, et ça témoigne en fait du contact avec un objet en alliage cuivreux. Ce sont les oxydes de cuivre qui ont migré et qui sont passés dans le crâne, dans les ossements, qui ont coloré légèrement les ossements. Donc en position tout à fait classique, allongée, les mains jointes. Oui, les positions qu'on retrouve pour les défunts sont tout ce qu'il y a de plus classique pour 95%. On a la tête à l'ouest, les pieds à l'est, et ils ont généralement les bras pliés sur le torse ou sur l'abdomen. Et ils sont allongés sur le dos. En revanche, deux de ces individus étaient en position inversée, c'est-à-dire ils avaient la tête à l'est et les pieds à l'ouest. Et ça, on sait par les pratiques funéraires et dans les textes, il est mentionné que c'était plutôt réservé aux prêtres, et notamment les prêtres, on sait aussi qu'ils se font plutôt inhumer dans les chœurs d'église. Donc là, comme ces deux individus inversés, on les a retrouvés dans le chœur, on suppose que c'était des membres du clergé. Tout ça, ce sont des vases, des brûles-encens, des brûles-parfums. Voilà, ce sont des vases à encens qui servaient en fait à masquer l'odeur de la mort lors des processions, et qui, une fois que le défunt était déposé en cercueil dans la fosse, on déposait les vases, où ici, on le voit, ils sont à peu près tous fragmentés. Ils étaient plus probablement jetés sans ménagement depuis le haut de la tombe. Et les archéologues les retrouvent, et ça pour nous c'est une bénédiction, parce qu'on va pouvoir dater assez finement, en général au demi-siècle près, on va avoir une idée de la période à laquelle le défunt est décédé. Philippe Blanchard, vous avez encore plusieurs mois à fouiller, bien sûr, fouiller quantité de tombes, il y en aurait entre 2 et 3 000, c'est à peu près ça, vous ne fouillerez pas tout j'imagine. Non, il y a plusieurs milliers de tombes qui sont attendues entre le premier cimetière du premier Moyen-Âge et puis les tombes qui sont liées à l'abbatiale. On ne pourra pas tout fouiller, donc l'objectif c'est de faire plutôt une fouille par échantillonnage. On va essayer de fouiller l'église, la totalité des inhumations, ou une grande partie tout au moins des sépultures dans l'église. On aura, je pense, pu fouiller tout le cloître, toute la salle abbatiale. Par contre, on ne va fouiller qu'une toute petite partie du cimetière paroissial. L'objectif étant d'avoir un échantillon des différentes populations, de façon à pouvoir les comparer entre elles. Est-ce qu'il y en a qui sont réservés à des femmes, donc peut-être des religieuses? Est-ce que pour d'autres, c'est plutôt les hommes? Est-ce que donc plutôt des prêtres dans le chœur, voilà. Et est-ce que les villageois, par exemple ceux qui sont dans le cimetière paroissial, eh ben ils avaient un état de santé moins bon que celle des religieuses. On va aussi être en mesure de faire des analyses isotopiques qui permettront d'avoir une approche de l'alimentation des personnes. Et est-ce que cette alimentation, on va pouvoir, voilà, est-ce qu'elle était meilleure chez les religieuses que dans la population des villageois? Voilà. Tout ça s'inscrit dans votre thématique de recherche, donc bien sûr la mort dans les monastères. Vous avez aussi fouillé des sépultures collectives. J'ai souvenir d'une belle épidémie que vous aviez fouillée il y a maintenant une quinzaine d'années. L'archéologie des sépultures juives, notamment aussi, qui rentre dans cette recherche. Voilà, alors moi je suis archéologue à l'INRAP, mais plus spécialisé, enfin mon champ de recherche c'est l'archéologie funéraire. Après, dans l'archéologie funéraire, j'ai certaines thématiques qui me plaisent plus que d'autres. J'ai notamment en premier lieu la fouille des cimetières juifs, la fouille et l'étude des cimetières juifs de la période médiévale. J'ai aussi pendant longtemps fouillé des sépultures liées aux épidémies, aux crises de mortalité. Et puis je m'intéresse aussi beaucoup au contexte monastique, pas que pour le funéraire. J'ai déjà eu l'opportunité de fouiller le prieuré de la Madeleine à Orléans, et puis je suis intervenu plusieurs fois aussi sur l'abbaye de la Trinité à Vendôme. Et quand j'étais tout débutant, bénévole, et j'ai assez longtemps fouillé à Daoulas, l'abbaye de Daoulas. Donc les contextes monastiques, je les ai fréquentés depuis ma plus tendre enfance, on va dire, et j'ai acquis une certaine connaissance de ce milieu particulier. Les cimetières juifs sont encore peu fouillés en France. Est-ce que l'on peut envisager, comme l'écrivait Le Monde, une sorte de biais laïque, hein? Ah, c'est assez compliqué de fouiller les cimetières juifs parce que une partie des populations, notamment les parties les plus orthodoxes, s'opposent, ceux qui veulent que les lois juives soient respectées, parce que la loi juive dit qu'on ne doit pas toucher au corps, jamais. Et donc, dès qu'on est confronté à des vestiges d'un cimetière juif, ça pose toujours des difficultés. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir fouiller de celui de Châteauroux grâce à l'accord de la communauté locale, et on a pu fouiller une cinquantaine de corps qui nous ont appris des éléments très importants sur les pratiques funéraires de ces individus qui se distinguent vraiment de celles des chrétiens, enfin, de la même époque. L'abbaye de Beaumont sera ouverte au public les 17 et 18 juin. Carbone 14 était réalisé par Sam Bacchiast, à la technique Pierre Montaille, et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.